Chapitre 10e. Suivant son conseil, Angèle alla au français avec la maîtresse de l'hôtel et revint enchantée. La musique de la prose d'Alfred de Musset, si admirablement modulée par les lèvres savantes des comédiens, avait charmé son esprit et ses oreilles. À la vue des acteurs, rappelés par le parterre et revenant s'incliner sous les applaudissements, la figure souriante, éclairée de bas en haut par les feux de la rampe, un frisson d'émotion et d'envie avait couru sur les épaules de la jeune fille et ses espérances avaient retrouvé toute leur élasticité, son ambition s'était fortifiée. Le lendemain, elle se rendit d'un pied léger à l'école de déclamation et aborda gaiement l'étude des premiers principes. Elle commençait une nouvelle vie et entrait dans un monde inconnu. Trois fois la semaine, une quinzaine de jeunes filles et autant de jeunes gens venaient à la salle Corneille suivre les leçons de l'illustre Saint-Félix, ancien pensionnaire de l'Odéon. Le personnel des élèves était recruté un peu à l'aventure. Le côté des hommes comprenait surtout des ouvriers typographes, des clercs d'huissiers et des commis de nouveautés que les théâtres du boulevard avaient grisés et qui avaient échangé la vie de l'atelier ou du comptoir pour les mirages, toujours fuyants, de la gloire dramatique. Le côté des femmes était plus mélangé encore. Grisettes, bourgeoises déclassées, anciennes élèves de Saint-Denis, aventurières russes ou hongroises, en formaient les éléments. Ce monde bohème, sans attache régulière et sans préjugés, fit d'abord sur Angèle une singulière impression. Les jeunes gens avaient cette dépravation précoce, cette affectation de scepticisme gouailleur et en même temps cette crédulité de gobe-mouche qui caractérise le gamin de Paris. Les femmes étaient hardies, vaniteuses, jalouses et bourrées d'illusions. Angèle, sans être prude, avait apporté de sa province des idées de bienséance, une retenue de langage qui effarouchait à chaque instant ses originales et lestes façons de vivre. Elle s'accoutuma cependant peu à peu à cette atmosphère nouvelle. Ses camarades lui apprirent la vie à bon marché dans les crèmeries du voisinage où on dînait pour 20 sous. On l'initia au mystère du maquillage. Elle connut la marchande à la toilette qui louait des robes à la soirée. Elle s'apprivoisa avec cet épouvantail de la province, le mont de piété, où les habitués de la salle Corneille faisaient de fréquents pèlerinages. Plusieurs des jeunes gens de l'école essayèrent même de lui conter Fleurette, mais elle avait un idéal trop haut placé pour être troublée par ses vulgaires déclarations. Le souvenir de René des Armoises la rendait sourde à tous les soupirs de ses cabotins en herbe. Elle pensait souvent à son poète. Souvent elle cherchait son nom aux vitrines des libraires et sur les affiches de spectacles. Elle se disait « Que devient-il? Quand le reverrai-je » Et elle travaillait ferme pour se rendre digne d'être aimée par lui. Le vieux Saint-Félix, qui nourrissait une tendre admiration pour la beauté d'Angèle, lui prodiguait tous ses soins et toute son attention. Elle faisait des progrès. De temps à autre, la jeune œuvrelle lui envoyait des billets pour les Français ou l'Odéon. C'était sa distraction unique. Depuis son arrivée, elle écrivait toutes les semaines à sa mère. Elle lui avait caché ses premières désillusions. Elle s'était évertuée à prendre un ton enjoué pour lui conter les brillantes espérances dont on la nourrissait. Dans les premiers temps, elle avait reçu une longue lettre où Madame Sénéchal lui parlait d'une indisposition de M. Sénéchal, puis, de semaine en semaine, l'idée de la bonne dame était devenue d'un laconisme inquiétant. Un soir, en rentrant du spectacle, elle trouva un télégramme lui annonçant que son père était à toute extrémité. Elle pâlit affreusement, et son premier mouvement fut de courir à la gare, mais l'heure du dernier train était passée, et il lui fallut forcément remettre au lendemain son départ. Le reste de la nuit s'écoula au milieu des larmes et des remords. Elle s'accusait d'être la cause de la maladie de son père. Il n'avait pu se faire à l'idée de la voir comédienne. Peut-être, à cette même heure, il mourrait en la maudissant. La violence de son désespoir ne connaissait plus de bornes. Au matin, tandis qu'il faisait fiévreusement ses derniers préparatifs, la porte de sa chambre s'ouvrit toute grande, et Madame Sénéchal roula comme une boule dans les bras d'Angèle. « Ma pauvre mignonne !» balbutia la grosse femme en l'étouffant de caresses. Angèle se dégagea brusquement de cette étreinte passionnée. « Il est mort ?» demanda-t-elle d'une voix sourde, en jetant un regard navré sur les vêtements de deuil de sa mère. Madame Sénéchal fit un signe affirmatif et tira son mouchoir. « Mort ?» murmura la jeune fille, et elle éclata en sanglots. Il y eut un long silence. Madame Sénéchal reprit. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir prévenu à temps, mais c'était bien inutile, va ?» Il n'avait plus sa connaissance, et l'attaque a été foudroyante. J'ai voulu t'épargner un voyage pénible. Angèle l'interrompit par un regard plein de reproches. « C'est moi qui l'ai tué !» s'écria-t-elle avec exaltation. « Pauvre père, lui qui était si bon. Je ne l'ai pas embrassé une dernière fois. C'est cruel ce que tu as fait là. Je ne te le pardonnerai jamais. » « Non, ma chérie, » répondit Madame Sénéchal, qui n'était pas scrupuleuse quand il s'agissait de consoler sa fille. « Tu te trompes. Ce qui a tué ton père, c'est la dureté de ce misérable Boblick. Les chaleurs du printemps l'ont achevé. Pauvre homme, il avait l'esprit faible. Et rien le mettait à bas. Il s'est éteint comme une lampe qui n'a plus d'huile. Et je n'étais pas là, » dit Angèle, dont les sanglots redoublèrent. Le reste de la journée se passa tristement à parler du défunt. Dans un moment de calme, Madame Sénéchal prit les deux mains de sa fille et, la regardant avec admiration, « Ah ça, et toi » demanda-t-elle, « où en es-tu? Quand se feront tes débuts ?» Angèle secoua la tête et répondit qu'elle n'en savait rien. « Ce polisson de la jeune vraie nous a bernés, » reprit la bonne dame désappointée. « Sa fameuse succession est dans les brouillards de la mer, et voilà maintenant qu'il t'abandonne. Mais patience, je le verrai, moi. Il faudra bien qu'il se remue. Je serai là pour te soutenir. Je viens vivre avec toi. » Alors elle lui conta qu'elle avait chargé l'avocat Bouillard de louer la maison de la rue de Savonnière à un voisin, de vendre les fatras inutiles, et de lui envoyer le surplus de ses meubles par le chemin de fer. Elle voulait s'installer le plus tôt possible avec sa fille, et sa première occupation fut de chercher un logement. Au bout de quelques jours, elle trouva un petit appartement au 4e, rue Monsieur le Prince, et déclara que son choix était fixé. « De cette façon, dit-elle à Angèle, tu ne demeureras pas loin de ton professeur, et dans le cas où nous serions forcés de nous rabattre sur l'Odéon, tu serais à deux pas de ton théâtre. » Les meubles arrivèrent, on s'installa, puis Angèle se remit avec une nouvelle ardeur à ses études dramatiques. Sa mère l'accompagnait assidûment à la salle Corneille, et ne pouvait retenir d'enthousiastes exclamations chaque fois qu'elle était en scène. La bonne femme lançait des œillades interrogatives et compatissantes aux camarades de sa fille, et avait l'air de les plaindre sincèrement de ce qu'elle ne pouvait rivaliser de talent avec Angèle. Encore un peu, et elle leur aurait promis sa protection pour le jour prochain où celle-ci arriverait à la célébrité. Un matin d'octobre, tandis que Mademoiselle Sénéchal répétait une scène de Bérénice, on entendit un froufrou de robe de soie à l'entrée de la salle, et une femme d'un certain âge s'élança vers Saint-Félix et qui lançait des chutes discrètes sans réussir à lui imposer silence. « C'est merveilleux, mon ami, » s'écria-t-elle, « cette petite a un vrai talent. Où avez-vous fait cette troubaille ?» Madame Sénéchal s'est élevée, souriait et multipliait les révérences, tandis que Saint-Félix répondait que la jeune fille lui avait été amenée par la Genevraie. « Et comment la Genevraie ne m'en a-t-il pas encore parlé ?» reprit impétueusement la dame. « Il faut qu'elle vienne à mes jeudis. Je lui donnerai un rôle dans mon drame. »« Oui, mon cœur, » continua-t-elle avec volubilité en allant au-devant d'Angèle, qui descendait de la scène. « Vous jouez comme un ange, et certainement je gronderai la jeune vraie de ne pas vous avoir présenté chez moi. Vous y verrez des directeurs qui apprécieront votre beau talent, et puis nous vous pousserons. Je compte sur vous jeudi, sans faute. Amenez-la-moi, Saint-Félix, ou nous nous brouillerons. » « C'est Madame de Busserolles, » dit Saint-Félix à Angèle quand la dame fut sortie. « Elle reçoit beaucoup d'artistes et de gens du monde. C'est une bonne fortune pour vous d'être invité à ces jeudis. » Madame de Busserolles avait la rage du théâtre, elle faisait elle-même des pièces, et tous les secrétariats des théâtres de Paris étaient encombrés de ses manuscrits qu'on laissait précieusement dormir dans les cartons. De guerre lasse, elle prenait le parti de faire jouer ses pièces chez elle par de jeunes artistes qu'elle allait recruter dans les écoles de déclamation et qu'elle payait en éloges, en promesses et un mauvais dîner. Elle avait 50 ans passés et ne conservait de son beau temps que les cheveux blonds, tombant de chaque côté de sa figure en prétentieuse anglaise, et de grands yeux bleus fort vifs. Elle avait, dit-on, été très adorée dans sa jeunesse, et les mauvaises langues prétendaient que la Genevraie ne l'avait pas trouvée trop cruelle. En tout cas, le vieux lion était resté un des fidèles de son salon. Il y trônait tous les jeudis et trouvait pour les respectables débris de cette beauté mûre des flatteries brûlantes et risquées qui la faisaient se pâmer d'aise. Le mari, lui, Tancrède de Busserolles, ne s'apercevait de rien. Court, trapu, l'air grimaud, très nul, très effacé, il admirait sa femme du matin au soir. Elle en abusait, elle avait réduit au rôle de majordome. C'était lui qui comptait avec les domestiques et s'occupait avec une minutie rapace des détails du ménage. Il grommelait fort quand il prenait fantaisie à Madame de Busserolles de retenir un visiteur à dîner, et pour prévenir des accès de mauvaise humeur, il avait été convenu entre elle et ses amis que chaque convive apporterait son plat. La plupart des hôtes du jeudi prenaient la chose gaiement, et le dîner ainsi transformé en pique-nique présentait à l'œil la plus bizarre macédoine de plats excentriques qu'on arrosait d'un petit vin suret récolté par Busserol sur ses terres et dont il versait de courtes rasades en se faisant tirer l'oreille. Parfois la Genevraie promettait d'amener le directeur d'un théâtre qui serait heureux de monter la dernière pièce de Madame de Busserol, et alors on se mettait en frais. Ah, ce directeur, toujours espéré et toujours empêché, il faisait le tourment de Busserol. On l'attendait jusqu'à 7h30, puis quand on avait renoncé à tout espoir, Tancrède allait sur la pointe des pieds dans la salle à manger, réintégrer dans leur sac les petits fours frais, pour les remplacer par d'antiques petits fours qui séchaient au fond d'un placard. C'est par ce salon, situé au second étage d'un hôtel délabré du quai Bourbon, qu'Angèle devait commencer ses débuts dans la vie d'artiste. Quand Saint-Félix et la Genevraie la présentèrent à Madame de Busserol, le salon était déjà plein. Les habitués étaient pour la plupart de vieux gentilshommes ruinés, des pianistes paméliques, des artistes sans emploi et quelques vieilles filles prétentieuses. Au milieu de ces fruits passés et de ces fleurs fanées, le seul brin de verte jeunesse et de fraîche beauté était une nièce du bonhomme Busserol, nommée Marthe de Bois-Simon, fille d'un haut fonctionnaire de la maison de l'empereur. Blanche, blonde, bien en chair et juste à point, la jeune fille était appétissante. Et Madame de Busserol s'en servait comme d'un appât pour attirer les jeunes gens chez elle. Angèle, qui n'avait aperçu que de loin et pour ainsi dire par le trou de la serrure la bonne société de sa petite ville, ne put se défendre d'un mouvement d'orgueil en se voyant accueillie et choyée par ce qu'elle croyait être l'élite du monde parisien. Elle touchait donc enfin du doigt la porte qui s'ouvrait sur le jardin enchanté de ses rêves. Encore toute éblouie et palpitante, elle s'assit près de la Genevraie. Elle était là depuis quelques minutes à peine, quand Madame de Busserol, qui l'avait annoncée et prônée, vint la prier de dire des vers. Angèle se leva, elle agitait nerveusement son éventail et paraissait fort troublée. « Allons, ferme, ma chère, » lui murmura la Genevraie, « dites-nous quelque chose de corset qui réveille les fibres rincornies de cette académie d'antiques bégueules. » Debout, près de la cheminée, elle attendait que le silence se rétablît. Sur la mate blancheur de son teint, encore accru par l'émotion, le bleu foncé de ses yeux et le rouge vif de ses lèvres tranchaient délicieusement. Elle commença lentement sa pièce favorite, La vigne en fleurs de René des Armoises, et dès les premières strophes, elle se sentit maîtresse de son auditoire. Sa voix se raffermit, tous ses moyens lui revinrent. À chaque instant, elle était interrompue par un frémissement approbatif, et au dernier vers, on applaudit bruyamment. Un peu étourdie et grisée, Angèle fermait un moment les yeux, comme pour mieux savourer son succès. Quand elle les rouvrit, elle faillit pousser un cri de joie. Devant elle, beau et triomphant comme un dieu grec, se tenait René des Armoises. « Quelle bonne surprise » s'écria-t-il de sa voix vibrante. Ses lèvres expressives souriaient à travers sa barbe frisée et ses yeux pleins d'éclairs remerciaient Angèle. « Mes vers ne m'ont jamais fait autant de plaisir » continua-t-il en tendant la main à sa compatriote. « Merci, mademoiselle. » Vous les avez transfigurés.